Rock. 89. Cette semaine, au Mathieu Plancheau. Dans Television, une série policière suivra une femme qui regarde des séries policières à la télé. Moi, je travaille sur l'émission de radio qui suit un gars qui écoute la radio commerciale pour savoir quoi pas faire dans une radio campus. Dans Segment Geek CNX, Facebook teste une fonction d'autodestruction programmée de messages. C'est drôle, moi, c'est lire Facebook qui me donne envie de tout détruire. Et dans Merci Science, la mémoire pourrait être améliorée par simulation électrique. Au Mathieu Plancheau, tout de suite. Et voici celui qui stimule la mémoire, le processeur et le disque dur, Mathieu Plante! Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante, je suis Mathieu Plante, je m'appelle Mathieu Plante. Nous sommes toujours dans notre nouvelle case horaire automnale, les mardis de 13h à 15h, mais la case de notre rediffusion a changé et sera dorénavant les jeudis entre 16h et 18h, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Allez voir sur cifou.ca pour en recevoir plus sur la programmation de C'est fou. Aujourd'hui à l'émission, le segment Geek CNX, le survol du net dans WoW at Web, c'est un fait Tech Edition et la chronique de science et technologie Merci Science. On va continuer aussi notre série musicale Super Mario 64 Portrait of a Plumber qui rend hommage à la musique de Super Mario 64. Dans quelques minutes, on va débuter comme toujours avec Television, mais avant ça, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo ou encore créée à partir de consoles de jeux vidéo. Et la première chanson que je vous propose, la voici, Nitro Pulse 3, Amber Leaves. Tout de suite au 89.1 FM, c'est le Mathieu Plante Show. C'est la pièce Amber Leaves. Oh, Mathieu Plante Show. Maintenant, parlons de télévision. Voici Television. c'est Television Television, la chronique télévisuelle du Mathieu Plante Show. Et on débute avec un suivi de la semaine passée. En début de chronique, on vous avait parlé de Musique Plus et Musimax qui seraient potentiellement validés pendant la semaine par le CRTC, en tout cas le rachat par VTV. C'est passé. Ça a passé. Le CRTC a approuvé sous réserve de certaines modifications et conditions la cession par Bell Media de Musimax et Musique Plus à Groupe V Media, survenu en décembre 2013 pour un montant de 15 520 000. Je cite le CRTC. Nous estimons que la transaction telle que modifiée dans la présente décision sert l'intérêt public et contribue à l'atteinte des objectifs de la loi sur la radiodiffusion puisqu'elle favorisera la concurrence dans le marché francophone et permettra d'assurer la continuité d'une vitrine importante aux artistes musicaux canadiens. Ces deux chaînes éprouvant des difficultés financières, le CRTC a également approuvé la demande de modification de certaines conditions de licence liées à la programmation. Musique Plus devra désormais consacrer au moins 80% de sa programmation à des émissions se rapportant à la musique contre 90% auparavant, donc encore plus de télé-réalité. Et au moins 50% à la diffusion d'émissions canadiennes au lieu de 55%, donc encore un petit peu moins de reprises de Kleptoman et autres émissions comme celle-là. Donc, quant à Musimax, elle devra consacrer au moins 80% de sa programmation à la musique sous toutes ses formes, à ses œuvres, à son histoire et aux personnalités qui y sont rattachées. Le conseil estime que la souplesse accordée quant aux conditions de licence des deux services permettra à Groupe V d'effectuer un redressement plus rapide et durable de la situation financière de Musique Plus Inc. C'est sûr qu'on encourage ça. C'est pas en chialant contre Musique Plus qu'on va faire que ça va rester un service comme ça. Il s'agit des deux derniers services dont Bell Media devait se départir dans le cadre de la transaction Bell Astral. Donc, on parle de Musique Plus et Musimax. Ces chaînes-là qui sont en constante évolution, en constant changement, pas nécessairement dans le sens où, où on trouve que ça devrait aller par moment. C'est sûr que c'est souvent des adaptations ou des doublages assez boboches de séries américaines qui étaient déjà boboches à la base. Mais bon, au moins, si ça peut donner leur survie et si ça peut financer ensuite des émissions comme celle de Mike Ward qui a lieu en semaine à 23h en ce moment. Je sais pas si ça va durer dans cette case horaire-là longtemps, mais bon. On doit encourager ces trucs-là, des productions locales. C'est une semaine chargée que vit le CRTC en ce moment, une semaine très, très, très chargée. Donc, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a terminé sa première de deux semaines d'audience sur l'avenir de la télévision récemment. Une quarantaine de groupes, entreprises et individus ont présenté leur point de vue sur la manière d'adapter les règles canadiennes aux nouvelles réalités comme Netflix et à la télévision à la carte. Faisons un petit survol grâce à la presse. Donc, on va le dire, c'est pas un texte écrit par moi-même. Donc, Google, on a parlé de ça un petit peu la semaine passée, qui avait donné le coup d'envoi aux audiences en plaidant contre la proposition d'étendre aux plateformes en ligne comme Netflix et YouTube la réglementation déjà imposée par le CRTC à la télévision traditionnelle. De telles règles pourraient forcer ces entreprises à contribuer au Fonds des médias du Canada. C'est ce qu'a suggéré Radio-Canada. Mais Google a affirmé que de tels changements imposeraient des fardeaux significatifs aux services en ligne et auraient un effet dissuasif majeur pour développer ou investir dans ces plateformes au Canada. Québécois a plaidé en revanche pour que le fardeau réglementaire des diffuseurs traditionnels soit allégé afin de leur permettre de faire concurrence aux nouveaux acteurs numériques. Le CRTC envisage de forcer les entreprises de câbles de distribution à offrir un forfait de base plus modeste et n'incluant que des chaînes canadiennes, on en parlait la semaine dernière. L'offre de chaînes de télévision à la carte déjà présente au Québec pourrait aussi devenir la norme partout ailleurs au pays. De grandes entreprises comme Rogers, de même que des syndicats et groupes de pression, ont exprimé leur désaccord avec l'une ou l'autre de ces propositions, ou les deux. L'un des arguments présentés est que la télévision à la carte pourrait faire disparaître certaines chaînes plus spécialisées qui ne peuvent survivre qu'à l'intérieur d'un forfait. Je suis entièrement d'accord. C'est sûr que des chaînes vraiment spécialisées, comme je prends par exemple fréquemment, parce qu'on en discute des fois au bureau, d'une chaîne de films en noir et blanc de série B des années, là vraiment longtemps, ça ne survivrait clairement pas si c'était pas dans un forfait qui a des chaînes un petit peu plus imposantes ou derrière lesquelles il y a un plus gros budget pour faire des productions originales. C'est sûr que des trucs comme ça ou des trucs de des chaînes de technologie un peu comme G4 qui était une de mes chaînes préférées avant qu'ils sacquent la hache aux États-Unis là-dedans et qu'au Canada on se retrouve qu'avec des reprises. C'est sûr que cette chaîne-là pour l'instant survit parce qu'elle est dans un bouquet. C'est sûr et certain. Ensuite, le CRTC a reçu 458 plaintes au sujet de la substitution en simultané en 2013 qu'on appelle le SimSub. 20% portait sur les publicités du Super Bowl. Pour ceux qui ne connaissent pas le SimSub, c'est une technique qui permet aux câbles distributeurs de remplacer les publicités américaines par du contenu canadien pour rentabiliser l'achat de la programmation. Donc, par exemple, sur le Super Bowl, c'est de masquer la chaîne qui diffuse le Super Bowl aux États-Unis comme Fox avec le signal de CTV ou Global au Canada. Donc, vraiment, le match au complet est seulement remplacé. Le match et les pubs sont remplacés par une chaîne canadienne. Ce qui fait qu'il y a des problèmes de timing des fois. Des fois, on va voir la fin deux fois parce qu'il y avait un délai, puis la chaîne, mettons, Global, va finir sa diffusion, et là, on va voir la fin sur Fox de la même émission. C'est super mêlant. Les gens veulent regarder Fox, et il y a le logo en arrière de Global. On comprend rien, c'est normal. C'est la SimSub. Donc, la proposition du CRTC devrait abolir la pratique. Ça fait fortement réagir les câbles distributeurs cette semaine. Donc, Rogers affirme que cette nouvelle orientation pourrait lui causer un tort irréparable. C'est sûr, l'argent vient de là. C'est pas pour rien qu'il y a des chaînes qui vont se battre pour diffuser les mêmes sitcoms américaines à la même case horaire. Et ils vont... aussitôt que ça va changer d'heure aux États-Unis, ça va aussi changer au Canada. Tout le monde se suit. C'est triste, mais en même temps, c'est comme ça qu'ils font leur argent. Maintenant, on s'en va... Non, on reste au Québec. Désolé, je pensais transitionner vers le Canada, mais on reste au Québec pour une petite nouvelle très, très, très brève pour vous dire que les acteurs de séries noires vont être au Comic-Con de Montréal. Donc, avec 16 nominations au prix Gémeaux, Série Noire est l'une des séries les plus populaires de 2014. Les membres de la distribution et les créateurs de cette dernière seront présents au Comic-Con de Montréal pour rencontrer leurs fans et signer des autographes. Je l'ai pas lu au complet avant de le dire. Je m'excuse, c'est déjà passé, c'était samedi dernier. On passe à autre chose, il me semblait aussi qu'il fallait que je passe à un autre sujet, c'est les États-Unis. On s'en va voir Johnny Knoxville, la vedette de Jackass. Donc, la vie de Johnny Knoxville se déclarera au petit écran. La star de Jackass vient de signer avec ABC Studios pour développer une comédie semi-autobiographique. C'est ce que révèle le Hollywood Reporter. Toujours sans titre, la série s'inspirera par de l'enfance peu conventionnelle de l'acteur et comique à Knoxville, dans le Tennessee. Voilà. Oui, c'est ça. Knoxville étant, j'imagine, un faux nom. Hein. Connu pour ses défis risqués dans Jackass, ainsi que les films Jackass, ils ont fait un carton au box-office avec 336 millions à travers le monde. Donc, c'est sûr que ça va être assez populaire comme série, en tout cas à ses débuts. Aucune date de diffusion pour l'instant, ni même de tournage ont été annoncés pour cette série qui se cherche encore un scénariste et qui s'inscrit dans le cadre d'un premier contrat de 2 ans avec ABC. On reste dans les gens qui vont avoir des séries par rapport à, ou en tout cas, centrées sur leur propre vie. Le chanteur Adam Levine réalisera une série comique autobiographique. Selon Deadline, la série Kids in America sera inspirée de l'époque où le leader des Maroon 5 était un chanteur prometteur. Hein, la belle époque où il y avait un futur en chanson, je pense que... Je sais pas, est-ce que ça a décollé son histoire? Je pense que oui. L'œuvre relatera l'histoire de l'adolescent issu d'une famille non conformiste qui rêve de devenir une rock star. Rock entre guillemets. Le scénario sera écrit par le scénariste de la série Family Guy, Aaron Blistein, tandis qu'Adam Levine, Jordan Feldstein et Josh Gumersall seront les producteurs exécutifs. C'est pas la première fois que Adam Levine travaille sur une série autobiographique. Il y a une série basée sur son amitié avec l'auteur et producteur Gene Hong et une autre inspirée par son expérience dans un bar karaoké qui sont toutes les deux en cours de développement. On en parlait, je crois, 2 semaines de ça, mais la série Rapport minoritaire s'en vient pour vrai. La Fox vient de commander un pilote du projet de Steven Spielberg, Rapport minoritaire ou Minority Report, et qui souhaite décliner l'univers de son film sorti en 2002 sur le petit écran. Toujours basé sur la nouvelle éponyme de Philip K. Dick, la série devrait se dérouler en 2064, soit 10 ans après les événements du film porté par Tom Cruise. On rappelle que ce dernier-là, incarnait un policier membre de l'unité d'élite pre-crime qui pouvait prédire les crimes à l'avance et ainsi être évité. Accusé d'un meurtre qu'il allait commettre, il se lançait dans une course contre la montre afin d'élucider la situation. La série dont le scénario a été confié à Max Borenstein de Godzilla, se concentrera sur un precog, ces extras lucides qui permettaient de voir les crimes avant qu'ils ne soient commis et qui tentent de retrouver une vie normale après le démantèlement de pre-crime. Toujours hanté par ses visions, il croisera le chemin d'une détective privée tourmentée qui l'aidera à utiliser son don. La distribution reste encore inconnue, mais le réalisateur ciblerait un grand nom d'Hollywood. Donc à la télé, c'est à la mode en ce moment d'avoir les grosses vedettes comme tête d'affiche, voilà. Ensuite, on va chez ABC qui commande un pilote à Jerry Bruckheimer. C'est pas nouveau, ça arrive fréquemment, mais ici, c'est vraiment intéressant. C'est le réseau ABC donc, qui commande un pilote pour une comédie mystère du producteur Jerry Bruckheimer et du créateur de la créatrice Lauren Hungerich, qui travaille entre autres sur Malloy's, la série Awkward qui va être diffusée à VRAC TV cet automne. Donc, Couch Detective explore la vie d'une femme dont la connaissance approfondit des séries policières à la télé, l'aide à résoudre des crimes réels. Pas génial, ça. L'émission est coproduite par Warner Brothers Television et Jerry Bruckheimer Television. Hungerich, qui a travaillé sur la comédie de MTV Awkward jusqu'à l'année dernière, écrira le script de Couch Detective avec Bruckheimer et Jonathan Lippman. J'adore aussi le titre Détective de divan ou de sofa, ou tu sais, genre c'est le fun. Ensuite, ça donne l'impression que ça va être une série sur genre trouver de la monnaie entre les coussins, mais c'est pas ça. Ensuite, vous connaissez peut-être la sitcom Marier deux enfants, Married with Children, qui pourrait revenir à l'écran. Selon E! News, Sony Pictures Television serait en train de développer un dérivé de Marier deux enfants. Cette nouvelle série serait basée sur Bud Bundy, le fils joué par David Faustino. Christina Applegate, qui incarnait la fille, a révélé cette semaine à l'occasion des retrouvailles de sa famille de fiction pour la remise de l'étoile sur le Hall of Fame de Katie Segal, alias Peggy la mère, dans l'émission, qu'un projet était en cours. Katie Segal, qui est aussi le nom de la fille que j'ai cherché pendant probablement 3 jours parce que je voulais pas aller voir sur IMDb, puis je voulais me rappeler de son nom moi-même, puis j'ai jamais réussi. Lancée en 87 sur la Fox, la comédie a suivi pendant 11 saisons les Bundy, une famille dysfonctionnelle portée par Ed O'Neill, Katie Segal, Christina Applegate et David Faustino. Arrêté en 97, cela n'a pas pour autant empêché ses acteurs de faire carrière. On sait qu'Ed O'Neill est dans Modern Family, Katie Segal a joué dans Sons of Anarchy, Christina Applegate a joué au cinéma et à la télé. Il y a seulement David Faustino qui n'a pas vraiment réussi à devenir une vedette après l'émission. Et c'est à lui qu'on confie le rôle principal de la suite, peut-être supposée, de Marier deux enfants. Je sais pas. Ça, peut-être. Peut-être. En même temps, ça a vraiment fait son époque, cette série-là. Ça a vraiment changé le monde de la télévision. C'était la sitcom la plus populaire dès le lancement de Fox. Le nouveau réseau dans les années 80. J'ai envie de dire fin 80. Eh boy. J'aimerais ne pas dire n'importe quoi, donc je vais aller voir rapidement. voir si je suis capable de le trouver en même temps, en temps réel. Attention. Fox Broadcasting Company. Date de lancement, 1986. Voilà. Fin des années 80. Milieu. Ensuite, Halle Berry qui va réaliser une série médicale. Halle Berry qui développe sa présence sur le petit écran. Elle était l'été passé la vedette de Extant de Steven Spielberg. Bref, dorénavant, elle sera productrice exécutive ou productive d'une série médicale. Donc, elle a fait ses débuts dans Extant cet été. C'était sa première fois à la télé. Elle poursuit sa collaboration avec les directeurs de la chaîne américaine CBS avec une nouvelle série médicale dont le nom n'a pas encore été révélé. Berry s'est associée avec l'ancienne productrice exécutive de la série Dr. Gray, leçon d'anatomie, Katie Jacobs, pour réaliser l'émission qui relate les aventures d'un chirurgien qui s'enferme dans un hôpital privé ultramoderne situé au sein d'une prison. Le projet sera réalisé par la société de production Halle Berry 606 Films, créée en mars dernier. Le gros sujet du moment, c'est l'arrivée de Netflix en France. C'est vraiment même majeur comme nouvelle, mais le géant américain Netflix a été lancé récemment, dans les derniers jours, en France, avec son service de vidéo illimité sur Internet et bientôt sur les boîtes des différents distributeurs et câbles distributeurs. Bref, une petite révolution dans la consommation de films et de séries qui fragilise, oui, la télé traditionnelle. Lisons un peu en diagonale et en sautant des paragraphes l'article de l'agence France Presse. Netflix doit poursuivre son offensive européenne tout au long de la semaine passée. Cette semaine qui a lieu en ce moment, la semaine du 15 septembre. Bref, en se lançant en Allemagne, en Autriche, en Suisse, en Belgique et au Luxembourg. Après avoir conquis 36 millions d'abonnés aux États-Unis et 14 millions à l'international, dont la Grande-Bretagne et plusieurs autres pays européens, Netflix part à l'offensive du marché français en s'appuyant sur son vaste catalogue de séries américaines. Face au débarquement de Netflix, ses concurrents français ont dégainé en proposant de nouvelles offres, services ou forfaits. Mais ces services-là ne gagnent pas encore d'argent. Je trouve ça étrange, mais Canal Play, du groupe Canal Plus, qui propose des contenus en accès illimité, est déficitaire pour l'instant, tout comme Netflix aux États-Unis, je le savais pas non plus. Avec un siège européen au Luxembourg puis aux Pays-Bas en 2015, Netflix échappera à l'impôt français sur les sociétés, à l'obligation de signalétique d'âge, donc les 16+ dans le coin de l'écran, ainsi qu'au pourcentage minimum de 60% de contenu européen, l'équivalent de notre 65% de contenu canadien, et 40% de contenu français qu'ils doivent faire aussi dans leur catalogue, mais en tout cas pas chez Netflix, partout ailleurs, sauf sur Internet. Il ne devra pas non plus s'assurer que 12% de ses recettes proviennent du visionnage de programmes français. Donc, des exceptions qui rendent bien sûr furieux les concurrents de Netflix en France. L'Américain contribuera néanmoins au financement de la production audiovisuelle française. Il devra verser 2% de son chiffre d'affaires en France au Centre national du cinéma et paiera la taxe sur les recettes françaises. L'arrivée de Netflix propice au binge-watching, donc regarder en rafale, consommation boulimique de contenu et autres, pourrait provoquer une onde de choc en France, territoire très réglementé où le cinéma est interdit le mercredi et le samedi soir à la télévision. Je l'ai appris en lisant cet article-là, c'est vraiment génial comme d'apprendre ça, je ne savais pas. Et on doit respecter un quota de production française. Menacer les chaînes historiques réclament déjà un assouplissement des règles, c'est bien certain, les choses changent, on avance et ça fait peur, ça peut faire peur. Aux grands médias. On termine Television comme on le fait toujours avec les cotes d'écoute. note, même si c'est vraiment pas du tout important, mais quand même pour savoir ce que les gens regardent. En cinquième place, Sucré Salé. En quatrième, Dimanche à Hollywood. En troisième, TVA Nouvelle, du lundi au vendredi. En deuxième, c'est La Roue de Fortune chez vous. Et en première, c'est Les Chefs à Radio-Canada. Côté canadien, Canada-anglais, c'est un petit peu plus intéressant. En cinquième, Les Nouvelles de CTV. En quatrième, Big Brother du mercredi. En troisième, Under the Dome sur Global le lundi. En deuxième, Masterchef. Et en première place, c'est The Amazing Race Canada sur CTV. Voilà pour les codes d'écoute. Voilà pour Télévision Télévision. On fait ça en début d'émission. Tout au début, juste après la première chanson. Ici même au Mathieu Plante Show. Dans quelques instants, ce sera Merci Science. Mais avant ça, une autre chanson de Chiptune. On va entendre l'artiste D-B-O-Y-D ou encore D-Boyd. Voici Jolt. Au 89.1 FM, c'est fou. Mathieu Planchot. Maintenant, on passe à la chronique Merci Science. Ouais, c'est le moment où je parle ici. Oui, oui, hey. C'est Merci Science. Je vais changer cette intro un jour. On dirait qu'elle commence jamais. Donc, Merci Science, c'est la chronique où on dit merci à la science d'exister. Seulement deux nouvelles aujourd'hui, mais deux nouvelles très pertinentes quand même. En appliquant des pulsations magnétiques qui induisent un courant électrique dans le crâne, les chercheurs ont amélioré les performances de mémorisation de volontaires. Une découverte qui permet d'envisager un traitement non-invasif pour les troubles de la mémoire, qu'ils soient dus à un AVC ou à une maladie d'Alzheimer. Le fonctionnement de la mémoire est un mécanisme complexe qui nécessite un travail collaboratif entre différentes régions du cerveau. Pour coordonner tout cela, il faut un chef d'orchestre. C'est un rôle joué par l'hippocampe. C'est pourquoi sa stimulation pourrait favoriser la mémorisation. Encore faut-il pouvoir accéder à cette région située dans les profondeurs du cerveau, nous dit Futura Science. Dans un article paru dans Science, les chercheurs de l'Université du Nord-Ouest de Chicago présentent les résultats encourageants qu'ils ont obtenus grâce à une méthode non évasive qui est la TMS ou la Transcranial Magnetic Stimulation, qui consiste à stimuler une région du cerveau en délivrant un courant électrique grâce à des pulsations magnétiques. 16 adultes en bonne santé entre 21 et 40 ans ont participé à cette expérience-là. Grâce à l'IRM, les chercheurs ont réalisé une image anatomique détaillée du cerveau pour identifier le réseau cérébral de la mémoire de chacun. En effet, les régions impliquées dans la mémoire varient d'un individu à l'autre, et comme il n'est pas possible de stimuler directement l'hippocampe, étant donné sa position dans le cerveau, l'IRM a permis aux chercheurs d'identifier une région superficielle connectée à l'hippocampe. Ils pourraient savoir si une stimulation dirigée sur ce point précis pouvait solliciter l'hippocampe et améliorer les performances de mémorisation des participants. Donc, les participants ont passé un test de mémoire qui consistait à apprendre une série d'associations entre les visages et des mots. Puis, ils ont reçu une stimulation cérébrale de 20 minutes par jour pendant 5 jours. D'autres IRM et tests de mémoire avec de nouvelles associations visage-mots ont été réalisés dans la semaine. Au moins 7 jours plus tard, la même expérience a été répétée, mais avec une fausse stimulation, donc un placebo. Leur ordre a été inversé pour la moitié des participants, donc ils ne savaient pas dans quel ordre ils allaient suivre l'expérience. Il est alors apparu que les participants réussissaient mieux les tests de mémoire après la stimulation du cerveau qu'avant. Il a fallu 3 jours de stimuli pour voir des améliorations, et la stimulation électrique a permis de mieux synchroniser les régions cérébrales devant travailler ensemble. Cette découverte ouvre la possibilité de traiter différents problèmes de mémoire, qu'ils soient causés par des AVC, une maladie d'Alzheimer à un stade précoce, un traumatisme du cerveau, un arrêt cardiaque ou encore le vieillissement. Donc, une très bonne nouvelle. D'ailleurs, on reste dans le domaine du cerveau et on apprend que pendant le sommeil, le cerveau travaille très bien. Une équipe française vient de démontrer qu'un dormeur peut entendre des mots, mais aussi les comprendre et même préparer une réaction appropriée, parce que toutes les régions du cerveau ne dorment pas en même temps. Alors, un dormeur équipé de l'électroencéphalogramme, donc un casque EEG, entend des mots et dans son cerveau, une certaine région du cortex moteur s'active. Si le mot est le nom d'un animal, c'est la zone qui commande la main droite. Si le mot désigne un objet, en revanche, l'EEG montre que c'est la partie responsable des mouvements de la main gauche qui s'anime. Conclusion, même pendant le sommeil, le cerveau analyse son environnement. Il ne se contente pas d'entendre. Il interprète et effectue des analyses d'un niveau supérieur dont on n'imaginait pas qu'elles puissent provenir d'un cerveau inconscient. Sid Calder est l'un des co-auteurs de l'étude qui est paru dans la revue Current Biology. Il nous dit que les sujets de l'expérience ont d'abord appris un petit jeu, donc appuyer sur un bouton ou un autre avec la main gauche ou avec la main droite selon que le mot entendu désigne un objet ou un animal. Il fallait coupler, matcher des affaires. Ensuite, et plus précisément pendant l'expérience réalisée dans la pénombre, les volontaires s'endormaient. Donc, le casque mesurait leur activité cérébrale, enregistrant ce qu'on appelle les Lateralized Readiness Potentials, ou encore les potentiels de préparation latéralisés. Ces signaux proviennent de régions du cerveau qui préparent les mouvements musculaires avant qu'ils ne soient vraiment réalisés. Les chercheurs envoient dans les écouteurs une série de mots choisis dans une nouvelle liste. Les LRP se modifient alors, démontrant que les aires qui s'animent sont celles des zones correspondant à l'exercice. Donc, même endormi, ce que ça veut dire, c'est que le cerveau entend un mot, l'analyse dans le cadre du jeu, détermine si c'est un animal ou un objet, et prépare le mouvement correspondant, mais les mains ne bougent pas. Il prépare ta main à bouger, mais ta main ne bouge pas. Hein? On sait, là, je cite les gens responsables de l'étude, on savait déjà que le cerveau pouvait effectuer des analyses de façon inconsciente. Par ailleurs, on savait aussi que des parties sensorielles sont actives pendant le sommeil. Ce qui est nouveau, c'est qu'on démontre que l'analyse de ces perceptions au plus haut niveau peut se dérouler pendant que le cerveau est inconscient. Pourrait-on donc apprendre en dormant, nous demande l'article. Les chercheurs n'abordent pas cette question-là, mais remarquent que le cerveau endormi perçoit son environnement et de plus est capable d'extraire des informations pertinentes de ces signaux-là, avec les moyens actuels qui permettent de suivre l'activité cérébrale sans enfoncer des électrodes sous le crâne. Il devient possible de l'étudier finement dans de multiples conditions. N'est-ce pas fascinant, tout ça? Génial. Voilà pour Merci Science. Tout à l'heure, le bloc Geek CNX avec, entre autres, un petit bloc sur les robots, dont un robot qui se transforme en meuble. Et le robot le plus résistant du monde, nous dit-on, est mou. Il est mou. Voilà. Mais avant ça, on retourne en musique chiptune. On va entendre un de mes artistes préférés. C'est pas ma pièce préférée de cet artiste-là, malheureusement, parce que j'adore ce qu'il fait d'habitude. Mais ici, c'est La Fille de Fox et Wheelie. Donc, c'est pas nécessairement tout La Fille de Fox qui a écrit ça. C'est la chanson The Legend of the Cyber Cops Part 1. OK. Par La Fille de Fox et Wheelie, tout de suite. MPS, le Mathieu Plancheau. Assez. Jack et le Fox. Ouh, OK. Ouais. Donc, la fille de Fox et Willy avec la pièce The Legend of Cyber Cops. On revient dans quelques instants, Mathieu Planche. Fou de musique. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Bonjour, c'est toujours Mathieu Plante, avec Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans cette demi-heure, le bloc Geek CNX. Plein de nouvelles sur les actualités informatiques, jeux vidéo et autres dans quelques instants. Mais avant ça, on a le temps pour une autre petite chanson chiptune, c'est-à-dire créée avec une console de jeux vidéo, en tout cas qui s'inspire de ça, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Écoutez l'émission au moins une fois, vous allez voir qu'il y a juste ça du début à la fin. Donc on écoute l'artiste Starmint Distortion et son extrait Hermes tout de suite. 89.1 FM, c'est fou. Celle-là, je l'aime beaucoup. Une de mes préférées cette semaine. Facile. Thank you. Ah, la variété des styles dans cette chanson de Starman Distortion, c'était Hermes au Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le segment Geek Célix. Célix, c'est la chronique où on résume un peu les nouvelles technologiques et vidéoludiques des 7 derniers jours. Commençons avec des robots. Un petit blog sur les robots. À l'université de Harvard, une équipe a créé un robot en silicone dépourvu de squelette rigide qui peut se déplacer en autonomie et résister au froid, au feu et même à l'écrasement par une voiture. Un concept qui pourrait ouvrir la voie à la fabrication de robots plus fiables et mieux adaptés aux conditions extrêmes, comme celle, j'imagine, du Québec. Donc, c'est la dernière création du Weiss Institute for Biologically Inspired Engineering, l'Université d'Harvard. Une équipe menée par Michael Tully, associé de recherche postdoctorale, il a développé un robot autonome sans squelette rigide qui peut résister au froid, au feu et même à l'écrasement par une voiture, on l'a dit. Long de 65 cm, il se présente sous la forme d'une étoile à 4 branches, au centre de laquelle se trouve la batterie et son système de locomotion pneumatique. Le corps du robot est fait de silicone avec une structure composée de compartiments communiquant entre eux pour laisser passer l'air comprimé injecté par un petit compresseur. Sous l'effet de cette pression, le robot avance en marchant à une vitesse de 18 mètres à l'heure. C'est un peu lent, peut-être. Les chercheurs expliquent que le silicone a l'avantage de supporter de grandes amplitudes de température, qu'il est étanche, résiste aux ultraviolets, aux flammes et aux substances corrosives. L'équipe du Weiss Institute n'a pas ménagé sa drôle d'étoile de mer. Ils auront fait faire une marche forcée sur la neige par une température de moins 9 degrés Celsius. Exposition au feu direct durant 20 secondes, progression dans l'eau et attaque à l'acide. Pour finir, une voiture lui a roulé dessus. Il faut préciser par contre que cette tentative d'écrasement s'est limitée à un seul de ses 4 membres et a épargné sa partie centrale renfermant l'électronique. Le moteur, la batterie et tout, c'est pas mal là que ça se situe. Hein? Le cœur, le nerf de la guerre. C'est d'ailleurs dans ce domaine que résident les principaux obstacles techniques. Les chercheurs pensent pouvoir répartir les composants dans le corps du robot afin de mieux les protéger. Il mise aussi sur les développements à venir en matière d'électronique souple, notamment pour la batterie et le système pneumatique. Ce type de structure monolithique est moins onéreuse à produire et potentiellement plus fiable qu'un squelette fait de différentes pièces en mouvement. Mais l'équipe reconnaît que ce type de robot pneumatique souffre de plusieurs inconvénients. Leurs mouvements sont moins précis, sont moins réactifs et sont susceptibles d'être percés par un obstacle pointu. C'est quand même assez grave comme défaut. Maintenant, un robot qui se transforme en meuble. Dans 15-20 ans, peut-être vos meubles vont s'assembler tout seuls. Hein? Désireux de trouver un moyen d'aider les handicapés et les personnes âgées, des chercheurs de la BioRobotics Laboratory à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne en Suisse mettent sur pied Roombot, qui se présente comme l'avenir du mobilier. Équipé de modules pouvant s'attacher et se détacher, le Roomba se transforme littéralement en meuble pour l'intérieur, éliminant le besoin de mode d'emploi casse-pied, les crises de nerfs et les disputes conjugales. Les chercheurs à l'origine du robot indiquent qu'il peut se transformer en tabouret, en chaise, en sofa ou en table. Le robot comprend aussi des griffes permettant de mesurer les murs ou bouger les autres meubles de la maison. Et grâce à un financement de la Swiss National Science Foundation, le Roombot pourrait aussi changer la vie des personnes âgées et des handicapés. Allez voir la petite vidéo sur assemblagerequis.com. On reste dans les robots avec la sortie du robot guépard du MIT, Cheetah. Ça veut dire guépard. C'est l'un des prototypes de robots les plus impressionnants du moment. Il vient de faire sa première sortie sur vidéo. Cheetah a été conçu par Boston Dynamics, une société spécialisée dans le design de robots mobiles acquise par Google l'année passée, l'agence de recherche militaire américaine DARPA et par une antenne du Massachusetts Institute of Technology. Le prototype peut désormais atteindre une vitesse de 16 km/h et sauter des obstacles de plus de 30 cm de hauteur, selon The Verge. Les chercheurs estiment que bientôt, il pourra piquer des sprints de 48 km/h, soit environ 4 km/h de plus que Usain Bolt. Malgré ses moteurs et ses batteries, Cheetah ne pèse pas plus qu'un animal sauvage. En décembre dernier, le New York Times avait expliqué que ces robots seraient tout à fait destinés à des entreprises avant les particuliers. Parmi les hypothèses, on parle d'un service de livraison ou d'une aide aux ouvriers réalisant des tâches répétitives. Maintenant, côté technologie plus au sens large, mais en fait, c'est pas mal étroit. Dans ce cas-ci, c'est le iPod classique, c'est tout petit. Et le collecteur dock qui prennent leur retraite. Évidemment, on revient pas du tout sur l'iPhone 6, iPhone 6 Plus et l'Apple Watch. On a couvert ça en direct la semaine passée. Depuis ce temps-là, tout le monde a eu la chance de dire ces détails. Aussi faux soit-il, à l'émission, c'était quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Je me rappelle plus. Ah bon, j'avais une référence à une émission du matin à la télé qui avait complètement raté les noms. du truc des iPhone et iPhone 6. iPhone 6 et iPhone 6 Plus. Il avait dit complètement n'importe quoi d'autre. Je pense qu'il avait dit iPad. En tout cas, bref, peu importe. Mais certains voient donc l'Apple Watch comme le nouvel iPod au sens d'un nouveau départ, sur un nouveau marché. Mais Apple partage cette vision puisqu'au lendemain de l'annonce de la montre connectée, le vénérable iPod classique a disparu du site Internet du fabricant. C'est triste, hein? Suite à la conférence au cours de laquelle on a annoncé l'iPhone 6 Plus, l'Apple Watch, etc., etc., l'iPod classique n'apparaît plus ni sur le site Internet, ni dans la boutique en ligne. Cet iPod de 6e génération, descendant direct du premier iPod avec lequel Apple s'est lancé sur le marché de la musique, a été lancé en 2007, mis à jour en 2009 avec un disque dur et un boîtier plus fin. C'est resté là depuis 2009, mais pour le même prix. S'il s'en tenait à ses 160 gigs depuis 7 ans, il demeurait l'iPod offrant la plus grande capacité. On sait que les iPod Touch, Nano et Shuffle restent au catalogue, mais plafonnent à 64 gigs de mémoire flash. Le prochain iPhone 6 va avoir une mémoire, lorsqu'on choisit le modèle le plus cher, évidemment, de 128 gigs. J'imagine que l'iPod Touch va avoir la même chose, 128 GB, dans la prochaine génération, sûrement annoncée pendant les prochains mois. Je vois pas vraiment, en tout cas, à moins que je me trompe, et je me trompe souvent, je vois pas un grand futur pour l'iPod Nano en ce moment, et ni l'iPod Shuffle. D'après moi, eux vont rester un peu comme l'iPod classique est resté sans aucune modification et juste, ah ouais, amène du cash, m'a t'en donné un iPod classique. D'après moi, ça va rester pas mal comme c'est là. Il n'y a pas de futur dans un lecteur seulement MP3, surtout un lecteur qui n'a pas de Wi-Fi dessus. Mais bon. Donc, les mélomanes férus d'iTunes et de compression sans perte, donc avec Apple Lossless entre autres, qui veulent un baladeur de grande capacité, n'ont plus beaucoup de temps pour se procurer l'iPod classique neuf. Ils seront disponibles que jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de stock dans les boutiques Apple physiques. Donc, jusqu'à temps que ce soit écoulé. Ensuite, on va devoir se tourner vers l'iPhone 6 à 128 GB, qui est la chose qui s'en rapproche le plus, mais c'est trois fois plus cher que l'iPod classique. iPod classique qui se vendait, je crois, aux dernières nouvelles, environ 300-330$ pour un modèle avec un disque dur physique bougeant, movible dessus, genre. Mobile, je pense qu'il y a un mot pour ça, que ça bouge. Et ça, c'est genre, échappe le pot. Alors que les iPod avec des mémoires flash, eux, sont peut-être plus résistants, mais en effet, coûtent beaucoup plus cher parce que la mémoire SSD coûte plus cher que les disques durs. Bon. On signale enfin la disparition de l'iPod classique combinée avec l'iPhone 4S, ce qui veut dire que c'est la mort des 30 broches, les anciens dock connectors, qui étaient déjà complètement dépassés depuis plusieurs années. Les gens étaient réticents à changer, mais pour vrai, c'est une meilleure technologie. Le Lightning, réversible, meilleur transfert de données et un paquet d'affaires. Donc le dock connector, c'est terminé. Plus de iPhone 4S et plus de iPod classique. Voilà. On reste chez Apple et c'est la nouvelle stupide du jour. Pour vrai, je suis un petit peu... je sais pas trop quoi. En fait, je dirais que je sais pas quoi en penser. Je sais pas mal quoi en penser. C'est du stock gratuit. Je vous résume la nouvelle. Apple permet aux abonnés d'iTunes d'effacer l'album de U2. Hein, face à la polémique suscitée par le téléchargement automatique du dernier album de U2 sur les comptes iTunes, Apple a mis en place une procédure pour effacer Songs of Innocence des bibliothèques des mécontents. Tu sais, les gens qui sont vraiment fâchés, hein, « Oh, je voudrais jamais être associé avec U2 ». Ouais, c'est gratuit, tu peux au pire juste pas l'écouter et puis ça change pas grand chose, mais maintenant tu vas pouvoir l'effacer pour pas avoir la pochette dans ta bibliothèque, l'outrage complet. Donc la semaine dernière, lors de la présentation du nouvel iPhone 6 à San Francisco, le groupe irlandais avait interprété une chanson de son album, le premier en 5 ans, on s'en fout, blablabla. Donc on avait mis à disposition gratuitement, ils ont fait un genre de petit symbole de main, là, genre ils se touchaient le doigt, je sais pas, à la E.T. Pour dire, et c'est maintenant qu'on envoie l'album aux 500 millions d'abonnés d'iTunes. Mais de nombreux abonnés qui ne souhaitaient pas que cet album encombre leur espace de stockage de quelques mégs à peine se sont plaints de ne pas pouvoir retirer les chansons de leur bibliothèque. Apple a mis en place une adresse pour se débarrasser du contenu musical, mais prévient qu'il ne pourra pas à nouveau être téléchargé. Je pense que les gens, s'ils sont du genre à aller chercher l'adresse, je pense pas qu'ils vont vouloir le revoir plus tard. Donc, l'album était offert à tout abonné ouvrant un compte iTunes avant le 13 octobre. U2 qui a publié certains de ses albums les plus acclamés au monde dans les années 80, on s'en fout. Ok, je l'ai pas lu celui-là à l'avance, je vous le dis tout de suite. Le reste ne m'intéresse pas. Voilà. Donc le lien est sur assemblagerequis.com. Microsoft qui pourrait dévoiler Windows 9 le 30 septembre, c'est la nouvelle qui est sortie cette semaine. Donc on invite les journalistes à un événement le 30 septembre à San Francisco. On pourrait présenter une nouvelle version de Windows. On dit sur le carton Rejoignez-nous pour découvrir ce qu'il y a de neuf chez Windows et dans le monde de l'entreprise. Les rumeurs à la fin du mois d'août avaient savamment préparé le terrain. Des sources proches du dossier avaient indiqué au site The Verge que Microsoft allait présenter à la presse un produit répondant au nom de Threshold, qui serait le futur Windows 9. On a vu les vidéos fuitées du menu démarrer, qui est vraiment cool en passant. Très cool le menu démarrer. J'ai vu aussi le Notification Center, ou le truc de notification de Windows. Ça, je trouve ça pas mal moins cool. C'est pas mal boboche. C'est broche à foin. Là. Tu cliques sur un petit bouton genre qui est la forme d'une fenêtre Windows, puis là, ben, t'as une fenêtre blanche qui apparaît dans le coin, un peu comme un pop-up, puis c'est juste pas très beau. Mais j'imagine que c'est en cours de travail, de fabrication. On va suivre ça dans les prochaines semaines. L'autre grosse nouvelle aussi, c'est Microsoft qui a racheté l'éditeur, l'auteur de Minecraft, en fait, pour 2,5 milliards de dollars. Le géant Microsoft a annoncé son intention de racheter le concepteur du jeu vidéo Minecraft pour 2,5 milliards de dollars, poursuivant ainsi ses investissements dans sa plateforme de jeu Xbox. Et espérant faire tourner des têtes sur le marché du téléphone cellulaire. Donc, la société de Redmond deviendra le nouveau propriétaire de Mojang, établi à Stockholm au terme de la transaction qui devrait être conclue à la fin de 2014. Facebook teste actuellement une nouvelle fonctionnalité destinée à rendre éphémère certains messages envoyés via iOS, une initiative qui va être à part de son application Slingshot. À la base un peu la même chose mais avec des photos. La mode du message qui s'autodétruit bat son plein et Facebook cherche toujours sa place dans cette tendance. Après avoir lancé puis tué, après ça Poke, pour mieux dévoiler Slingshot il y a quelques mois, le réseau social teste actuellement une autodestruction programmée des messages postés sur ses pages. Il n'est pas question d'application tierce, ça va être directement à partir de Facebook. Le test est en cours auprès d'une toute petite partie de la communauté d'utilisateurs et ça permet aux gens de programmer la suppression automatique de messages, un peu comme on peut prévoir à l'avance un message qui va être posté à un jour ultérieur. On peut faire la destruction à une période donnée aussi. T'as le choix entre 1 heure et 7 jours après sa publication. Il y a une échelle entre ça, c'est pas juste 1 heure ou 7 jours. La démarche permet à un membre du réseau social de publier un message et de recueillir des commentaires de ses contacts qui ne seront plus accessibles lorsque la suppression sera effective. Ça me rappelle les gens qui partent des gros débats, des grosses discussions sur Facebook, puis après ça, vont effacer les commentaires du monde. Ça ressemble à ça, sauf prévu à l'avance. Donc, le site The Next Web souligne cependant un point à ne pas négliger. Un message supprimé sur Facebook disparaît certes immédiatement de la page, mais reste sur les serveurs jusqu'à 90 jours avant une destruction totale. Donc voilà, ça ne serait pas la porte ouverte à toutes les dérives en matière de publication furtive. Par ailleurs, rien ne dit que Facebook décidera de conserver cette option après son expérimentation. Peut-être qu'à la fin de l'expérimentation, tous les messages depuis 90 jours qui avaient été supprimés vont revenir. On ne sait pas. Facebook fait vraiment un peu ce qu'il veut. Puis nous autres, on doit juste suivre ce qu'ils font. T'sais? Bref. Les cartouches du, entre guillemets, pire jeu de l'histoire du jeu vidéo risquent de se vendre à des prix exorbitants. La saga des cartouches Atari 2600 du jeu E.T. l'extraterrestre continue. Une légende urbaine, on se rappelle, voulait qu'Atari ait enfoui sous terre les cartouches de ce jeu dans le désert au Nouveau-Mexique suite aux ventes désastreuses et au crash du jeu vidéo en 83. Les fouilles organisées à Alamogordo ont permis de prouver la véracité de la légende. On avait parlé de ça cet été. Maintenant que ces cartouches sont au grand jour, il faut trouver quoi en faire. Le conseil de la ville a voté à l'unanimité en faveur d'une mise en enchère, aux enchères, de 800 d'entre elles sur eBay. On sait, le jour même de l'excavation des cartouches, certains étaient prêts à dépenser plusieurs centaines de dollars pour en obtenir une. Les prix vont s'affoler, à n'en pas douter, pour ce qui reste tout de même le pire jeu de la console, mais c'est une pièce importante de l'histoire. Le conseil a pris une autre décision pour 500 autres cartouches qui vont avoir droit à plus d'égards, puisqu'elles vont être exposées à travers le monde dans différents musées. Quand certains détournent des moteurs de jeu de leur fonction première, ça peut donner quelque chose d'assez intéressant et le web nous le partage en ce moment. C'est un remake de Donkey Kong Country fait dans le Doom Engine. Donc, le Doom Engine, c'est ce qui sert de moteur au jeu Doom. Donc, on a refait les tableaux de Donkey Kong. Enfin, on n'a pas refait les tableaux de Donkey Kong. On a refait des tableaux qui ont l'air de tableaux de Donkey Kong. Genre, c'est pas des tableaux en tant que tels. J'ai regardé la vidéo récemment. Ben, pas au complet parce que c'est 42 minutes puis tu fais comme j'ai compris le principe. Mais donc, le jeu commence. C'est fait à partir du moteur de Doom, mais t'as vraiment l'impression que c'est complètement Donkey Kong Country. Les articles, les choses sont placées partout pareil. Les barils ont l'air de fonctionner de la même façon avec les mêmes effets sonores. Quand tu piles sur un insecte ou peu importe, ça fait le même son. Apparemment que les contrôles sont difficiles. C'est difficile de manier les contrôles de Donkey Kong. Donc ça, bon, quand même, c'est une chose importante à savoir. Et je re-regarde en fait la vidéo et je viens juste de me rendre compte qu'il y a juste Donkey Kong. Donc il n'y a pas de Diddy Kong. Attends un peu, est-ce qu'il prend? Non, c'est ça. Il pète le baril de Deka et il n'y a pas de Diddy Kong qui sort. Il me semblait aussi que j'avais pas vu de Diddy Kong, puis pourtant j'adore Diddy Kong. Bref, c'est cool à voir. C'est pas le fonctionnement n'est pas le même, absolument pas du tout. Ça se ressemble, c'est tout. Donc allez voir ça. C'est bien intéressant à voir quand même. J'avoue que 42 minutes, c'est un petit peu trop pour moi. La GameCube a 13 ans, les amis. C'est vrai, 13 ans, la jeune adolescence. C'est, pour être précis, le 14 septembre 2001. Que le cube violet de Nintendo a débarqué au Japon. La 128 bits de Nintendo est aujourd'hui une machine choyée par de nombreux joueurs. Il y a plein de collectionneurs qui adorent l'époque GameCube. J'adore moi aussi plusieurs jeux du GameCube. J'ai encore la console à la maison et j'y joue une fois de temps en temps. Donc, elle a eu une vie compliquée et difficile, tiraillée entre le succès de la PlayStation 2, la fuite des éditeurs tiers et la montée en puissance de la Xbox et de Xbox Live. Donc, la GameCube, même si Nintendo insiste à dire en français le GameCube, alors que c'est pourtant une console de jeux vidéo. Je sais pas s'ils disent que c'est un système, peut-être. Donc, la GameCube, je continue de le dire, fut honteusement moquée pour son apparence physique atypique, nous dit jeuxvideo.com. Cubique, moi j'adorais la forme cubique. Le violet, par contre, là j'avoue que le violet, c'est là qu'on m'a perdu. La première console, la première version était mauve. Il y avait aussi une version genre orange brûlé. Moi, j'ai la console argentée. J'avais la noire avant, qui était ma préférée, évidemment. Mais je suis allé la vendre, hein, comme quelqu'un qui pensait que les jeux de la Wii, de la GameCube, seraient disponibles sur la console virtuelle un jour avec la Wii. Donc, je me suis débarrassé de ma GameCube. Mais non, c'est jamais arrivé. Toujours pas aujourd'hui, en 2014. Mais bon, pourtant, la Wii U est capable de le faire. Mais bon. On l'a appelé la console Play School, on l'a appelé VTech pour grands enfants, on l'a appelé, moi je l'ai appelé Fisher Price à maintes et maintes reprises, un peu comme Windows XP, je l'ai aussi appelé le Fisher Price des Windows. Néanmoins, elle a su attirer peu à peu les joueurs grâce à une ludothèque certainement maigre mais de qualité. Donc entre autres Super Mario Sunshine, mon jeu préféré, Terry Avalanche, Mario Kart Double Dash, Super Smash Bros. Melee, Time Splitters 2, Metroid Prime, Star Wars Rogue Squadron 2, Rogue Leader, Legend of Zelda Wind Waker, entre autres Killer 7, Resident Evil 4 et je passe par-dessus le reste. Nintendo a tout tenté, je lis encore l'article de jeuxvideo.com, pour faire remonter la pente à sa progéniture. D'abord en mettant plus en avant la version noire de la console, c'est là que je l'ai acheté. En fait, je l'avais acheté le premier mois de la sortie, après ça je l'avais vendu, après ça j'ai acheté une autre noire, après ça j'ai vendu, après ça j'ai acheté une argent. Tu sais, à la place de revendre, puis racheter, puis vendre, puis racheter, aussi bien la garder, hein. Mais des fois, t'es désespéré pour avoir une autre nouvelle console qui vient de sortir. Mais bon, c'est de même, hein. C'est ma personnalité de gars qui veut la dernière affaire, hein. C'est l'imbécile qui va aller au Apple Store, au magasin, peu importe, le vendredi matin pour aller chercher mon iPhone 6. Je suis de même, je veux être le premier à l'avoir. T'sais. C'est pas une question de faire que les gens me regardent et disent « t'es donc bien cool ». Non, c'est parce que moi, je trouve ça cool. Il y a aucune question d'image là-dedans. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça alors qu'on parle de Nintendo? J'en ai aucune idée. Elle avait tout pour elle. Je trouve la GameCube était vraiment cool, vraiment solide. Faite pour être trimballée par des enfants. Il y avait une poignée derrière pour l'amener chez du monde. C'était vraiment cool. La GameCube, joli souvenir et encore une fois, si vous l'avez encore, gardez-la. Faites pas comme moi et achetez le dernier modèle de la génération où il y avait enlevé toute possibilité d'avoir de la HD dessus. T'sais. Il y avait une possibilité d'avoir un fil spécial pour avoir la HD. Ben, en tout cas, pas HD, là, c'est vraiment pas HD, mais c'est genre l'écran large, 16.9. Et moi, j'ai l'ancienne génération qui ne fonctionne qu'avec des fils. Je crois que c'est RCA jaune, rouge et blanc. C'est triste parce que j'ai la plus récente et la moins chère, la plus cheap et la moins fonctionnelle des GameCube. Voilà pour CNX. Terminons comme toujours avec le top des locations en club vidéo. Ça tourne pas mal autour de quelques jeux. Même que je pense que ça tourne tellement autour de quelques jeux que je vais faire le top mais en disant les noms à la place des numéros. Okay? Donc, on va commencer par Minecraft, qui est en 10e place sur Xbox 360. Ça, c'est tout pour ça. Non, la version PlayStation 3 est en 9e place. Ensuite, Madden NFL 15 est en 8e sur la PlayStation 3, en 7e sur la Xbox 360, en 5e sur la Xbox One, en 3e sur la PS4. Okay? Ensuite, on passe à Diablo 3 Ultimate Evil Edition, qui est en 6e place sur Xbox 360, en 4e place sur PlayStation 3, en 2e sur PS4 et en 1e sur Xbox One. Voilà, ça fait le tour. On a quoi? 1, 2, 3, 4 jeux pour un top 10 bien garni. Hein? C'est beau, c'est beau, c'est bon. Si on faisait un top 10 avec genre les jeux de chaque console, mais toutes mises ensemble, mettons juste Madden NFL, toutes consoles confondues, j'aimerais mieux voir le top comme ça que de voir vraiment les jeux individuellement sur chaque console. Mais ça, c'est juste moi, probablement. Hein? Je suis de même, je suis un spécial fancy, moi, là, qui va aller au Apple Store le vendredi matin pour chercher son iPhone 6. Non, non, ça va faire avec ça. Maintenant, tiens, après avoir terminé CNX, d'habitude, ce qu'on fait juste avant de fermer cette heure précise, c'est de regarder ce qui se passe bientôt sur vos écrans. Wow! Voici les nouveautés jeux vidéo pour la semaine du 14 au 20 septembre 2014. Commençons par lundi, le 15 septembre. Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution sort sur PC. C'est un jeu de combat de ninja en 3D avec 100 personnages jouables environ. Ensuite, Reprisal Universe sort sur PC. Ensuite, on passe à The Master Plan sur PC. Heroes of Many sur PC. Jacob Jones and the Bigfoot Mystery Episode 1 sur PC. Poison Heart in Swampland sur PC. Great Permutator sur PC. Boson X sur PC. Shadow Crypt sur PC. Season Match sur PC. The Collider sur PC. Color Symphony sur PC. Et 2D World Creator sur la Xbox 360, juste pour faire différent des autres. C'est des jeux plus indépendants, les premiers avant 2D World Creator. En fait, c'est indie aussi parce que c'est marqué Indie Games à côté de 2D World Creator. Mais c'est des jeux un petit peu plus obscurs. Un petit peu plus, tu sais, c'est indie. Vous savez ce que ça veut dire indie, Carlin, ça veut dire que c'est pas des gros blockbusters, donc les résumés sont moins disponibles. Ensuite, mardi 16 septembre, sur PC sort Pacific Liberation Force, où on vient à la rescousse de citoyens, on fait exploser des bâtisses, on protège des moyens de transport, on défait des unités militaires comme des tanks, des hélicoptères, des affaires comme ça. Ensuite, Arc Age sort sur PC. C'est un jeu massivement multijoueur et en ligne, où chaque décision que vous faites amène un nouveau chapitre dans l'histoire de Arc Age. Ensuite, sur la PlayStation Vita, sort Murasaki Baby, c'est coté 7 selon GameSpot. Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui se réveille dans un monde étrange, avec rempli en fait de des fantasmes, fantaisies et des peurs des enfants. C'est Murasaki Baby. Ensuite, Naruto Shippuden, on a parlé de ça, qui sortait lundi sur une autre console. Il sort sur Xbox 360 et PlayStation 3 mardi. Fairy Fencer F sort sur PlayStation 3. C'est un jeu de rôle pour la PlayStation 3. Anomaly 2, un jeu de stratégie en temps réel, sort sur la PlayStation 4. C'est coté 8 selon GameSpot. Kickbeat Special Edition sort sur PlayStation 4 et Wii U. C'est coté 7 selon GameSpot. D'ailleurs, j'ai oublié de dire que Anomaly 2, qui est coté 8, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Alors que Kickbeat Special Edition, c'est une façon d'interagir avec de la musique, nous dit-on. Ensuite, j'ai toujours eu de la misère à dire celui-là, même dans une conversation de tous les jours. Theater Rhythm Final Fantasy Curtain Call sort sur 3DS. C'est coté 8, génial, selon GameSpot. 221 chansons, 60 personnages dans la série Final Fantasy, mélangé avec Theater Rhythm. C'est un jeu donc de rythme avec des personnages de Final Fantasy, et ça s'appelle Curtain Call. Ensuite, sur 3DS sort Cooking Mama 5 Bon Appétit. C'est la suite, le cinquième jeu, vous aurez compris, de Cooking Mama. Donc, avec des jeux basés sur l'utilisation du stylet dans 6 modes. Ensuite, Air Conflicts Vietnam Ultimate Edition sort sur PlayStation 4. C'est un jeu d'arcade de combat qui met le joueur dans le ciel sur le Vietnam, au-dessus du Vietnam. Run Like Hell sort sur PlayStation Vita. Wasteland sur PC. Pong Breaker sur PC. Total War Rome 2 Emperor Edition sort sur PC. C'est coté 8, génial selon GameSpot. On retourne dans le passé pour conquérir une planète. Voilà. Alors que l'Empire... on joue l'Empire romain et on essaie de conquérir une nouvelle planète. Voilà, c'est un jeu de stratégie en temps réel. Compliqué à comprendre, ça. Ensuite, Fibbage, The Hilarious Bluffing Party Game sort sur PlayStation 3 et 4. C'est le plus récent jeu d'humour, trivia, quiz, jeux télévisés, mais jeux vidéo, etc. Donc, de la part de cette compagnie sur Xbox One. Je dis cette compagnie parce que j'ai pas vu c'était quelle compagnie. Ensuite, sort sur PC World Truck Racing, sur PC Near Impact et sur PC Demolisher. Mercredi, la semaine est longue en jeux vidéo cette semaine. Hein? Spacecom sort sur PC, c'est un jeu multijoueur dans l'espace, j'imagine. Ensuite, Doorways The Underworld sur PC, Cosmonautica sur PC et Motorsport Revolution sur PC. Jeudi, sort Darts Up, un jeu de darts sur Wii U. Tu vois comment je suis capable de créer mes propres résumés, c'est un jeu de darts. Endless Legend sort sur PC, c'est un jeu de fantastique, oui. Donc de stratégie. Voilà. Ensuite, Roundabout sort sur PC, un puzzle où on contrôle une limousine. OK. Intéressant quand même. Ensuite, sort sur PC Shadowrun Dragonfall Director's Cut, c'est coté 8. C'est un jeu de rôle. En 2D, tour à tour. Donc, chacun joue chacun son tour. Ensuite, Pro Rugby Manager 2015 sort sur PC, un jeu de rugby. Spiky Wall sort sur Wii U. Elminage Gothic sort sur PC. Arrow Time sur Wii U. Enola sur PC, qui est un jeu d'horreur-aventure. Ensuite, ça, c'est des jeux en Europe. On s'en va à vendredi. Wasteland 2 sort sur PC. C'est la suite directe du populaire jeu de rôle post-apocalyptique Wasteland. Ensuite, et oui, je cherche les jeux aux États-Unis. Chu Degenki Striker sort sur PC. D'accord. Ensuite, Life is Feudal Your Own sort sur PC. Et c'est tout. C'est beaucoup trop de jeux pour une même semaine. Beaucoup trop d'argent à dépenser. Tout plein de jeux indépendants là-dedans. Et des blockbusters. Quand même quelques jeux de renommée. Voilà, dans cette liste des jeux pour la semaine du 14 au 20 septembre 2014. Voilà. Wow! C'est ce qu'on appelle épuisant comme chronique, tout ça. C'est la fin de cette portion du Mathieu Planchon. On se retrouve dans quelques instants avec une deuxième heure. Sera inclus là-dedans. La chronique, c'est un fait Tech Edition. On a aussi le segment WoW What Web, ainsi que la musique de Mario 64 dans Portrait of a Plumber. C'est la deuxième heure du Mathieu Planchon dans quelques instants. Restez là! Retour au Mathieu Plante Show et Mathieu Plante. Je m'appelle toujours Mathieu Plante. Dans quelques instants, on va faire C'est un fait Tech Edition avec le résumé des deux dernières semaines qu'on avait sauté parce qu'on avait d'autres chroniques à faire. Donc, depuis le 2 septembre, ce qui s'est passé dans l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Mais avant ça, on retourne en chiptune. On va entendre un petit doublé. Tout à l'heure, il y aura Love Hurts avec Minerals. Mais pour commencer, voici Motion Ride et Make You. MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est fou. Une autre chanson que j'adore cette semaine, c'était Minerals par Love Hurts. Hurts comme H-Z, là, c'est un jeu de mots, hein, c'était, ça me touche. Avant ça, il s'appelait hashtag YOLO Swag. On l'a déjà fait jouer quelques fois ici au Mathieu Plante Show. Le nom hashtag YOLO Swag m'énervait comme c'était pas possible. J'étais comme non, douchebag city, non, je veux pas ça. Donc Love Hurts, c'est bien. Comme mot, c'est pas mal meilleur. Pas mal mieux, en tout cas, peu importe. Maintenant, tiens, on va faire... c'est un Fate Tech Edition. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un Fate Tech Edition. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, Tech Edition, la chronique sœur de C'est un fait qu'on fait à Assemblage requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. Et là, ce qu'on fait dans le Mathieu Plante Show, c'est qu'on ne parle que des choses qui se sont passées cette semaine dans l'histoire. C'est le résumé de la chronique d'aujourd'hui, donc commençons par le 2 septembre. En 1859, une combinaison unique d'événements solaires, entre autres une explosion magnétique, a affecté plusieurs des réseaux de télégraphes en Amérique du Nord et en Europe. Des feux qui ont commencé un petit peu partout, débuté. Plusieurs machines fonctionnaient même lorsqu'elles étaient déconnectées de leur batterie. Tellement il y avait du courant magnétique dans cette explosion magnétique-là. C'était en 1859. Ensuite, en 2001, chez ECTS à Londres, Blizzard a annoncé une version RPG en ligne de sa populaire série Warcraft qui s'appelait, vous connaissez peut-être, World of Warcraft, qu'on appelle maintenant souvent WoW. C'était en 2001. Voilà. Ensuite, le 3 septembre 1993, Infogear a rempli une application pour un brevet aux États-Unis pour la marque iPhone. Pour des terminaux de communication. La compagnie a plus tard enregistré iPhone tout collé ensemble. Cisco a acheté Infogear en 2000 et ils sont plus tard arrangés avec Apple pour pouvoir partager le nom iPhone. Ensuite, en 2013, Nokia a annoncé qu'ils allaient vendre leur unité de services et d'appareils. La division qui était en charge de faire les téléphones a été vendue à Microsoft pour 7,2 milliards de dollars. C'était en 2013. À la fin de l'année, donc le 3 septembre. Voilà. Donc, l'unité appareil et service, c'est la division qui est en charge des téléphones cellulaires. Voilà. Le 4 septembre 1956, IBM présente le IBM 350 Disk Storage Unit pour le RAMAC 305. C'était le premier ordinateur commercial à utiliser des disques magnétiques pour emmagasiner ses données. En 1998, Larry Page et Sergey Brin incorporent Google, ce qui leur permet d'encaisser un chèque de 100 000 $ de Andy Bechtolsheim, le cofondateur de Sun, qui, dans le fond, il avait écrit ce chèque-là à Google Inc. Ensuite, en 2013, Samsung annonce une montre intelligente nommée Galaxy Gear qui fonctionnait seulement avec les téléphones et les tablettes qui avaient Android 4.3, donc de la compagnie Samsung, bien sûr. Ensuite, le 5 septembre 2007, Apple présente le iPod Touch, amenant le multitactile ou le toucher multitactile qu'il avait introduit avec le iPhone. C'était maintenant amené à la ligne iPod pour la première fois en 2007. On saute le 6 septembre, on va au 7 septembre 1927. Le premier système de télévision électronique complètement a été montré pour la première fois par Philo Taylor Farnsworth à San Francisco. Phil Farnsworth, qui est aussi en passant le nom hein, de c'est Phil Farnsworth dans Futurama, le vieux monsieur, c'est son nom, ça veut dire ça. En 1979, l'Entertainment and Sports Programming Network, ou encore ESPN, fait ses débuts. Ça va devenir ce qui a fait que les gens ont adopté la télévision câblée aux États-Unis. C'est surtout grâce à ESPN, donc la chaîne de sport équivalente à RDS. D'ailleurs, qui a le même logo que ESPN. Si vous n'avez pas remarqué, ESPN, RDS et TSN ont tous à peu près le même logo. Ça fait partie de la même grande famille. Il y a même un poste canadien qui s'appelle ESPN Classic, qui a le logo d'ESPN. Ça ne s'appelle pas TSN Classic. Tu sais, c'est un poste canadien. Ça ne s'appelle pas TSN Classic, ça s'appelle ESPN. J'ai jamais compris ce système-là. Il n'y a pas de référence à ESPN au Canada. Pourquoi est-ce que t'appelles ton poste comme ça? Outrage. Le 8 septembre, il y a bien juste moi qui se soucie de choses comme ça. Le 8 septembre 1930, on amène un ruban, OK, adhésif, à l'épreuve de l'eau, transparent et sensible à la pression. Son nom de commerce était Scotch. C'est devenu Scotch Tape. C'est en 1930, 8 septembre. 1966, l'émission de télé Star Trek fait ses débuts à la télévision en réseau avec l'épisode The Man Trap. Star Trek allait plus tard avoir une influence incroyable sur la technologie et la façon qu'on pense à la technologie, le design. Le 9 septembre, en 1940, au McNutt Hall de Dartmouth College, George Stibitz fait la démonstration de premier ordinateur contrôlé à distance. Il a connecté, il s'est connecté à son Complex Number Generator du laboratoire de Bell par téléphone en utilisant un câble télétype 28 fils, 28 wire, teletype cable. Bon. En 1947, en essayant de régler des problèmes à l'Université Harvard sur l'ordinateur Mark II Aiken Relay Calculator, c'est une calculatrice, c'est comme ça qu'on appelait les ordinateurs, j'imagine. Ben bref. Donc, les opérateurs ont trouvé un insecte. Vous avez sûrement déjà entendu cette anecdote-là racontée, mais prise entre deux points d'un Relay Number 70 dans le panel F. Truc que je ne connais pas, beaucoup trop plus geek que moi. Donc, ils ont répertorié cet insecte-là, ce bug-là, dans leur journal de bord. Ils ont écrit, c'est la première fois qu'on voit vraiment un bug trouvé dans un ordinateur, donc un insecte. C'était pas la première utilisation du terme bug pour un problème d'ordinateur. Par contre, débogage ou déboguer est devenu un terme populaire pour la réparation de bugs plus tard grâce à ce cas-là. En 1999, la Sega Dreamcast débute en Amérique du Nord. Par contre, plusieurs étaient distraits par ce qu'on appelait le bug du 9-9-99, le 9 septembre 99, qui a été aussi important que le bug de l'an 2000, dans le sens que pas pantoute. On a réglé le problème avant que ça fasse ses torts. Ensuite, le 10 septembre, c'est une longue chronique sur ce qui s'est passé cette semaine dans l'histoire, mais on avait sauté deux semaines. En 1990, Peter Deutsch poste un message sur comp.archives par rapport à l'Internet Archive Server qui s'appelait Archie. C'est donc lui, Alan Emtage et Bill Helin qui avaient créé ça. On considère ça comme le premier engin de recherche au monde, donc c'était en 90. En 91, dans le même genre de domaine, Paul Lindner poste sur comp.unix.misc, miscellaneous. Il présentait le Internet Gopher, qui est un système, un service d'information distribué. Donc, avant le World Wide Web, Gopher était la façon principale de chercher et partager des documents en ligne. C'était en 91. En 2013, Apple annonce deux nouveaux téléphones, l'iPhone 5S avec un scanner d'empreintes digitales et l'iPhone 5C, une version cheap, plastique, colorée du iPhone 5. C'est le même intérieur, presque le même intérieur que l'iPhone 5, juste avec un petit case, un étui de plastique à la place d'un étui fancy en métal. Bref, c'est une version cheap du iPhone 5. Et c'est ce qu'ils vendent encore aujourd'hui à 0$ dans les magasins. C'est pas un mauvais téléphone du tout, c'est juste plus fragile, ça. Ensuite, en 1928, le 11 septembre, la station de radio WGY de General Electric fait la première diffusion simultanée à partir de Schenectady à New York. Une pièce de théâtre nommée The Queen's Messenger a vu son... a vu sa diffusion audio diffusée à la radio et l'image était synchronisée sur les télévisions en même temps. Donc, c'était le début de la diffusion simultanée d'une station de radio. Ensuite, le 12 septembre 1985, Steve Jobs annonce au conseil d'administration d'Apple qu'il allait démissionner. Jobs a dit, et je cite, « J'y ai beaucoup pensé, c'est le moment pour moi de partir et continuer ma vie. C'est évident que j'ai autre chose à faire, j'ai quand même 30 ans. » Je ne sais pas si ça voulait dire « j'ai quand même 30 ans, donc ma vie est devant moi, probablement. » En 94, il est revenu plus tard, évidemment, vous le savez probablement. En 94, Mosaic Communications présente son premier logiciel, le Mosaic Netscape Network Navigator. Peut-être que le nom vous dit quelque chose, Netscape. Et le Mosaic NetSite Server. Donc voilà. Ensuite, le 13 septembre 83, Osborne Computer déclare faillite à Oakland, en Californie. Donc en cours de faillite. Il disait qu'il y avait 40 millions de possessions, bref, 600 créditeurs. Deux ans plus tôt, Osborne avait produit le premier ordinateur portable au monde. C'était le Osborne One qui pesait 24 livres. En 85, Nintendo sort Super Mario Bros. Au Japon. C'est devenu le jeu vidéo qui s'est le plus vendu pendant 20 ans, mais ensuite ça a été surpassé par, et c'est risible ici et honteux, Wii Sports. Y a-t-il un jeu plus plate et basic et genre pas intéressant après 5 minutes que Wii Sports? Tu tannes tellement vite, je trouve, de Wii Sports. Mais bon, ça a dépassé les ventes de Super Mario Brothers. Faut dire aussi que Wii Sports était inclus gratuitement avec toutes les Wii. Mario Brothers, Super Mario Brothers, était inclus avec quelques versions de la NES, mais pas toutes. Donc j'imagine que ça a compté là-dedans. Le 14 septembre 2000, Microsoft sort, encore une fois, honte, Windows Millennium Edition. Oui, Windows Mi. Je sais pas si c'était vraiment l'édition du millénaire, mais ça allait plus tard être la risée de tout le monde parce que c'était juste tellement mal codé et vraiment pas nécessaire comme système d'exploitation. C'était en 2000, alors que Windows 2000 est sorti, je pense en 99, je me rappelle bien, et était tellement plus stable, basé sur Windows NT, ça allait tellement mieux Windows 2000, j'en rêve encore, j'adorais Windows 2000, c'était génial. Windows Mi, quel flop, c'était la suite de Windows 98. sur le même kernel. En 2001, la Nintendo GameCube est vendue au Japon. C'est la première console de Nintendo qui n'avait pas de cartouche de jeu, c'était plutôt des CD. C'est des petits CD, t'sais, la GameCube, c'est des tout petits CD, tout mignons, t'avais envie d'y manger. Et finalement, le 15 septembre en 2008, le vendeur d'électronique Best Buy achète Napster, le service de musique, pour 121 millions, empêchant la faillite de cette compagnie-là. Et d'ailleurs, Napster existe toujours, pour ceux qui ne savent pas. On va aller retourner voir, parce que je sais que ça existe encore. C'était racheté par Rhapsody en 2011. Et donc, c'est ça, ça existe encore. Super! Est-ce que ça fonctionne encore? Je sais pas, mais ça existe encore. Voilà pour notre section C'est un fait Tech Edition. La seule chose qu'il nous reste à faire en toute fin d'émission, ce sera WoW at Web, où on fait un petit survol du net. Mais avant ça, c'est le moment tant attendu. Hein? De notre, faites comme si c'était vrai. De notre série Portrait of a Plumber Super Mario 64. C'est la 48e édition compilation gratuite éditée par Overclocked Remix. C'est un album d'arrangement inspiré par la musique du célèbre titre de lancement de la Nintendo 64. On parle bien sûr de Super Mario 64. Portrait of a Plumber qui mettent en vedette 21 pièces arrangées par 16 artistes qui réimaginent les compositions originales de Koji Kondo dans une variété incroyable de styles. La dernière fois qu'on s'est parlé, on avait commencé le CD2. On est rendu donc aux pièces 5 et 6 du CD2. Je me rappelle très bien parce que la dernière qu'on avait entendue, c'était Prague Mario et ça fitait très bien avec notre nouveau chroniqueur Samuel Girard qui sera de retour en passant la semaine prochaine. Donc, on avait écouté ça. Ce qui veut dire qu'on est rendu aux prochaines pièces. Plus tard, Grab the Blue Coin, inspiré de Cave Dungeon par Soul Signal. Mais avant ça, une pièce refaite par The Coop, inspirée de la chanson Merry Go Round. Voici Merry O Round. OK, une petite différence subtile quand même. C'est ça, pour Mathieu Planchot. La série Super Mario 64 Port of Plumber continue dans 2 minutes au Mathieu Plante Show. Restez là. C'est Perilous Pathway, basé sur Cooper's Road. Précédé de Grab the Blue Coin, basé sur Cave Dungeon par Soul Signal. Et au début du bloc, Merry Go Round, basé sur Merry Go Round par The Coop. Voilà, c'est les pièces 5, 6 et 7 du deuxième CD de la compilation Portrait of a Plumber. Collection sur Super Mario 64 qu'on vous présente pendant une partie de la session ici au Mathieu Plante Show. Il nous reste encore 3 pièces, les 3 dernières du deuxième CD. Après ça, on va passer à une autre compilation pour ceux qui sont tenus d'entendre la musique de Mario. En passant, la chanson qu'il y avait là avait du maudit dubstep à merde, que j'aime pas. Et je n'encourage pas l'utilisation du dubstep. C'est juste parce que ça fait partie de la collection. J'ai pas le choix de la jouer, c'est pas ma faute. Ça nous amène à faire le tour du web. Voici Wow, What Web. C'est un gros mot, j'ai dit un mot qui commençait par M que j'aurais pas dû. Je retire mes paroles. Mais j'aime pas le dubstep. Commençons le tour du net, le survol du web, la toile de l'Internet, le périple à travers tout ça, la jungle de l'Internet. En faisant un petit tour comme ça, je vais vous laisser le reste des liens sur assemblagerequis.com. On a accumulé plusieurs liens depuis les dernières semaines parce qu'on n'a pas fait la chronique, parce qu'on avait d'autres choses à faire. Là, je vais sauter vers le super l'affaire. Et vous allez retrouver le reste sur le site. Commençons par un gars. Ça commence à dater, mais je trouvais ça drôle quand même. Qui reprend des photos vues sur Tinder. Donc, il prend des photos Tinder de filles. Et il les refait lui-même. Il recrée la pose. Par exemple, une fille ici qui boit du vin avec son pied en passant la jambe toute pliée. Genre. Bref, il fait ça. Fait la même chose. Il les recrée. Et c'est drôle. C'est le fun. C'est absolument anodin, absolument inutile. Mais allez voir les photos sur le site. Ensuite, on revient sur une application dont j'ai parlé il y a quelques semaines. La dernière fois qu'on a fait Wow at Web, j'avais parlé de l'application Somebody et je l'ai un petit peu mal expliqué. Donc, je voulais me reprendre. C'est quand j'ai l'occasion de me reprendre, que j'ai le temps de le faire et que j'ai la connaissance, j'espère, de l'article pour le faire. C'est pour transmettre un problème à quelqu'un d'autre, mais sans avoir à le faire soi-même. L'application donc vous permet d'utiliser quelqu'un, hein, Somebody, pour envoyer un message personnel à la personne à qui vous voulez l'envoyer, peu importe où elle est. Donc, comment ça fonctionne? J'ai l'utilisation de la chose. Donc, l'utilisateur va composer son message. Il va inclure des instructions spéciales qu'on donne au messager qui va lui transmettre le message. Donc, il y a des notes, par exemple, sur comment le livrer, peut-être, sourire, être fâché, chanter, je sais pas. Ensuite, on va choisir un autre utilisateur de la même application qui est dans la même localité où on veut donner le message. Et cette personne-là donc, va donner le message à la personne que tu veux qu'il le reçoive. C'est-tu clair? Bref. Donc, ça fonctionne mieux quand il y a une masse critique de gens dans une place. Par exemple, bon, université, endroit de travail, une fête. Donc, on peut utiliser ça comme hotspot. On va désigner une personne qui va être récipiendaire et une personne qui va être la personne qui va donner le message. Bref, il y a une petite vidéo de démonstration. Ça a été créé par l'artiste Miranda July avec Miu Miu. C'est disponible gratuitement sur iTunes. Ça s'appelle Somebody. Ensuite, ça, je trouvais ça mignon quand même. C'est une pancarte en République tchèque. Anti-urination. C'est près de l'hôtel Marcinčak à Mikulov en République tchèque. Ça menace l'utilisateur qui fait pipi en public. Ça leur propose d'être, shamé, hein, qu'on lui fasse honte en postant la vidéo sur YouTube. Donc la pancarte littéralement montre, bien évidemment, un petit bonhomme qui fait pipi avec un diagonale rouge dans un cercle, comme on connaît. Et ensuite, en dessous, t'as trois étapes. C'est vraiment écrit 1, 2, 3. Donc, 1, t'es en train de faire pipi. 2, on te filme. 3, on met ça sur YouTube. C'est de même, ça se passe. Donc, c'est, j'imagine, une pancarte qui a été achetée par l'hôtel et non pas par la ville. Je penserais pas que la ville ferait ça. C'est quand même une drôle d'idée. Une idée pour un terrain privé, ça peut fonctionner. Ensuite, ça, c'est un genre de Inception du Wikipédia. J'ai pas dit Wikipédia, j'ai dit Wikipédia. C'est aucune référence à Alexandre Laramis Wiki de la Luitre. Donc, c'est une liste de listes. Donc, cet article est une liste d'articles qui comprend une liste de choses qui sont elles-mêmes des listes de choses. Par exemple, la liste de listes citée ci-bas. Hein? Donc, c'est super à la Inception si on clique là-dessus. On se retrouve sur Wikipédia. Par exemple, je vais vous donner des exemples. Évidemment, je vais pas vous laisser languir, là. Dans la littérature, t'as, liste de livres. Ensuite, en dessous de ça, t'as liste de best-sellers dans la catégorie fiction du New York Times. Hein? Ou encore, tu pourrais avoir, je sais pas, je vais descendre un petit peu plus bas, t'as liste de genre de films ou liste de films par genre. En dessous de ça, t'as liste de films d'action ou encore liste de films animés. En dessous de liste de films animés, t'as liste de films animés des années 70, ensuite 80, ensuite 90. On comprend le principe, mais c'est des listes sur assemblagerequis.com. Ensuite, on va sauter à Microsoft qui a construit une version fonctionnelle de sa Surface Pro 3, mais à partir de carton. C'est un outil promotionnel. Microsoft a donc créé une copie carton de sa tablette Surface Pro 3. C'est comme un iPad, là, pour ceux qui veulent vraiment que je descende ça au plus au dénominateur commun. C'est comme un iPad, c'est une tablette. Mais par Microsoft, qui s'appelle la Surface Pro 3. C'est renseignez-vous un minimum. Donc, c'est quand même impressionnant. C'est vraiment une tablette fonctionnelle, mais pas une tablette en tant que telle. C'est un écran. Il y a une petite section de lumière qui montre les spécifications de la plus récente tablette. Tout ça fonctionne avec un lecteur MP4, donc un lecteur de vidéo. Donc vraiment, c'est en carton. Le reste de l'écran ne bouge pas, mais à l'intérieur, tu as un petit écran MP4. Un écran qui fait fonctionner MP4. L'écran lui-même n'est pas MP4. Là. Mais avec faible résolution, et ça peut montrer les spécificités, les spécifications pour vendre les Microsoft Surface Pro 3 à des écoles principalement. Donc, ils ont envoyé ça à des écoles en Australie. C'est un effort de marketing pour que les écoles disent « Hey, nous, on veut équiper nos classes de Microsoft Surface Pro 3 parce qu'on est vraiment super alternatif et on ne veut pas d'iPad. » Donc, c'est pour marquer aussi le lancement de la Surface Pro 3 dans 25 pays. Pas que l'iPad est la seule solution puis que oui, c'est correct de regarder les autres. C'est bien correct. Mais c'est ça. Peut-être que la Surface Pro... Ben, la Surface Pro 3, j'ai lu des bonnes critiques, ça. C'est ce qui me semble que je trouve ça dommage de ne pas avoir autant d'applications. Ils ont tellement une longueur de recul. Et j'imagine que ça va continuer si les gens continuent de juste acheter des iPads. Je vois le pour et les contre là-dedans, puis je vois pas la guerre de toute façon. J'ai parlé la semaine passée, je pense que j'ai pété ma coche à cette fois là-dessus sur le fait que cette guerre-là était complètement inutile. Mais bon, au moins bravo pour l'effort, c'est ce que je veux dire. Félicitations pour l'effort. Donc la vidéo est disponible sur assemblagerequipe.com. Ça rappelle un petit peu le Moto Maker, un genre de téléphone hors ligne qui avait été publié dans les pages de Wired, où il y avait comme un écran où on pouvait changer, ben des lumières en fait, qu'on pouvait changer la carcasse d'un téléphone Moto Maker, Moto X. On voyait juste le dos dans la page du magazine, sur la page, et on pouvait changer de couleur en appuyant sur les petits boutons des couleurs en bas. Il y a des vidéos sur YouTube de ça, c'est vraiment cool à voir. Et aussi, il y avait un téléphone Android qui avait été embedded, imbriqué dans un Entertainment Weekly, juste pour afficher des tweets pour la chaîne de télé CW, le réseau de télé. Donc, il y avait un écran pour afficher les tweets, et quelqu'un sur YouTube, on l'a vu faire, a décortiqué tout ça pour voir que c'était des vieux téléphones, genre de Chine, Android, qui faisait fonctionner cet écran-là. C'était vraiment cool à voir. Allez voir ces deux vidéos-là, pour vrai. J'ai passé du temps à regarder ça la semaine passée, et c'est vraiment, vraiment intéressant de voir ça. Bref. Ensuite, qui regarde la pornographie sur une Nintendo 3DS? Pornhub vient de sortir. Ben, en fait, viens. Je fais le tour du web des trois dernières semaines. Ça vient pas de se passer. Ils ont sorti des graphiques récemment pour montrer les plateformes sur lesquelles les gens regardent de la pornographie. Donc, parmi leurs curiosités, oui, il y a des gens en 2014 qui utilisent encore Windows NT et les téléphones BlackBerry. On salue David Ferron, d'ailleurs. La compagnie a montré les systèmes de jeux qui sont les plus utilisés, donc en ce moment. Les deux statistiques, c'est le raccourci pour statistiques, hein? En vrai, je me suis tellement descendu au dénominateur commun que je vais vous prendre pour des imbéciles, alors que c'est clairement pas le cas, désolé. On a combiné PlayStation 3 et PlayStation 4 en un seul truc, Xbox One et Xbox 360 en un seul autre truc, c'est les deux premières positions. Ensuite, il y a la PlayStation Vita et la Nintendo 3DS qui sont chacune dans leur catégorie de gens qui utilisent Pornhub sur ces consoles-là, je n'en reviens pas. La définition est tellement mauvaise sur une 3DS, mais bon. Donc, allez voir ça. La 3DS qui a présentement, attention, 1,4%. Ensuite, la Vita est à 4,5%. La Nintendo Wii à 6,4%. La Xbox à 41,4%. Et en première place, la PlayStation... on dit PlayStation 3 dans le graphique. Donc, je vais leur faire confiance à 45,8%. Je crois pas que ça combine la PlayStation 4 avec... Ensuite, Microsoft Office 2000, vous le savez peut-être, avait un œuf de Pâques, un Easter egg, quelque chose de caché, avec un jeu de course à l'intérieur. On pouvait jouer à un jeu de course dans Excel. Bon. Avec Excelda, c'est un port de Legend of Zelda Link's Awakening en version Visual Basic et Microsoft Excel. C'est génial. C'est un utilisateur de YouTube Games Excel qui nous montre comment ça fonctionne, comment on joue à ça. Il a démarré ce port, il a commencé la fabrication, la programmation de ce port-là, parce qu'un ami lui avait gagé que c'était impossible de le faire. Ben en fait, il a un petit peu abandonné en cours de route, donc j'imagine que ça veut dire que c'était impossible de le faire et de le terminer. Mais bon, allez voir la vidéo de comment ça fonctionne, tout ça. Et vous pouvez même télécharger le fichier Excel via 4Shared. Donc c'est Excelda qui fonctionne sur Excel 2002, 7, 10 et 13 sur Windows. Ensuite, Nick Reboot qui stream les vieilles émissions de Nickelodeon 24 heures par jour. Et je suis allé voir, j'en avais déjà parlé par le passé, dans le temps que ça ne fonctionnait pas. Là, je l'ai essayé, ça fonctionnait au Canada pour voir des émissions de Nickelodeon. Par exemple, Rocko's Modern Life, Fais-moi peur, Hey Arnold, 24 heures par jour gratuitement, les émissions connues de Nickelodeon. Surtout, en fait, je pense qu'il y a... Non, il n'y a pas juste des dessins animés parce qu'il y a Fais-moi peur qui n'est pas un dessin animé. Hein? Donc, vous visitez le site web qui est nickreboot.com. Vous y allez, ça va démarrer un stream, une diffusion en continu. Ça va déterminer où vous êtes pour optimiser la qualité, dépendant si vous êtes sur la côte est ou côte ouest. Ici, probablement dans l'ouest, pas mal. Et tout ça est apparemment légal. Nick Reboot est une OSBL, un site web qui ne fait pas de profit. qui veut être qui se veut un médium pour les commentaires, critiques et trucs éducatifs. La recherche, des trucs comme ça. Donc, au sujet de la télévision des années 90 et 2000. C'est comme ça qu'on dit qu'ils utilisent la section Fair Use de la section 107 des lois du copyright, des droits d'auteur. Et donc, ils sont capables de streamer Nickelodeon autant qu'ils le veulent à cause de ça. Il y a une fenêtre de chat à côté de la vidéo. Donc, les gens peuvent, en effet, se renseigner et partager de l'information. C'est comme ça qu'on reste légal. Je trouve ça une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Voilà. Ensuite, Seinfeld rencontre les Sims 4. Tout a l'air tout à fait authentique. Vous savez, les Sims 4, ça vient de sortir. C'est un nouveau jeu vidéo. C'est la suite de Sims 3 et de Sims 2 et de ce qu'on appelait The Sims au départ. Donc, Ian Roach a fabriqué une version dans The Sims 4 de la distribution Seinfeld et de leurs appartements. Ça a dû prendre des heures, des jours et des nuits. Il y a tout là-dedans. Pour l'instant, c'est les personnages principaux. Plus tard, on pourrait rajouter d'autres mondes. Pour l'instant, c'est Jerry, George, Kramer et Elaine. Apparemment, ce qui est particulièrement impressionnante est notre amie Elaine avec ses mouvements de danse et tout. On aurait recréé aussi l'appartement de Kramer et le plateau de son émission de télé qu'il avait temporairement pendant un épisode qui n'était pas littéralement à la télé non plus. Bref, peu importe. Regardez Seinfeld, vous allez comprendre. Ensuite, allons-y avec... je saute les vidéos pour les faire tout à la fin. Attention. Ah, tiens. On va aller avec celui-là. C'est The Nicest Place on the Inter.net. C'est comme The Nicest Place on the Internet, mais avec un point avant net. Où on vous donne des câlins. N'est-ce pas merveilleux? Si vous vous sentez un petit peu déprimé, vous passez une mauvaise journée, un petit remontant serait apprécié. Donc, c'est ce qu'on fait sur ce site-là. Tout le monde s'enregistre des câlins. On peut même give a hug, une section give a hug, où on peut envoyer sa propre vidéo. Donc, ça vous dit les étapes de l'envoyer sur YouTube, d'envoyer le lien par WeTransfer. Bon, un paquet d'affaires comme ça. Et les gens ont envoyé leur câlin. Et quand on fait play, ça le fait tout seul. Moi, ça a arrêté éventuellement pendant que je parlais. Mais les gens ont l'air de vous donner des câlins. C'est cute. On revient aux Sims. J'aurais dû le faire avant. Un mode pour les Sims 4 qui décensure le jeu. Un des jeux les plus populaires de Electronic Arts, c'est évidemment les Sims. On est rendu à la quatrième version. Et on sait tous, la plupart des gens savent que lorsqu'on fait pipi ou qu'on prend notre douche, on va censurer avec de la pixelisation. On avait même parlé la semaine passée que les pirates du jeu voyaient leur jeu au complet être pixelisé. Je trouvais que c'était vraiment une très très bonne idée. Donc ici, c'est une façon d'enlever la pixelisation. C'est le No Mosaic Sensor Mod qui remplace les blocs avec l'image normale. Donc, on voit une petite photo sur assemblagerequis.com où quelqu'un est en train de faire pipi. Dans la version non censurée, de toute façon, on ne voit pas son engin masculin. On voit juste le côté de sa cuisse, ses fesses et du pipi sortir. Donc, il n'y avait rien à censurer en tant que tel. Mais le jeu, je pense que c'est sa marque de commerce, la série des Sims. Évidemment, les douches, peut-être on va voir un petit peu plus. C'est quand les gens passent nus, courent nus dans le jeu, on devrait aussi les voir. En Chine, maintenant, on a ouvert une voie piétonnière pour les gens qui textent. C'est en fait pour créer, évidemment faire parler d'eux. Mais la Chine a ouvert donc une voie piétonnière spéciale, particulière pour les gens qui utilisent leur téléphone cellulaire. C'est fait pour être ironique, bien sûr. C'est une route de sur 50 mètres dans la ville chinoise de Chongqing. Au départ, c'est ça. Ça a juste l'air de simplifier la vie des gens qui utilisent les messages textes sur leur téléphone cellulaire. Mais bon, c'est pas vraiment le cas. C'est juste pour faire genre. Maintenant, on est rendu avec des trucs un petit peu plus visuels pour terminer ce bloc. Comme j'aime le faire à la fin, on va commencer avec DuckTales, la bande à Picsou, bien sûr. Trop de liens, là. Trop de liens. Où est-il? Ah, je vais devoir chercher sur mon site. Tellement j'ai mis de liens puis que je les ferai pas de toute façon. Ah, voilà. Tiens, c'est la chanson thème de DuckTales telle qu'elle aurait dû être faite à la base. C'est... Ça va commencer là. Ça va commencer dans quelques secondes, tellement que le fond est déjà calmé. Tu sais, déjà calmé. Et la vidéo, là, aussitôt que ça s'en vient. Et là, et boy, excellent. Et ça n'a pas de bon sens. OK. It's taken me 20 years to get that song out of my head, and now Disney is making sure we will never stop singing the DuckTales theme song. Hey everyone, I'm TC. Je ne veux pas de tes commentaires. DuckTales started coming into our homes in 1987. Je t'arrête, non, ok. Désolé pour ce malaise qui va durer quand même quelques secondes encore parce que je dois partir la vidéo ici. Et voilà. J'espère que t'as pas un commentaire. Si t'as un commentaire, je t'arrête. Life is like a hurricane here in Duckburg. Okay. Donc, on explique, c'est des canards qui refont l'introduction de la bande à Picsou. Tout ce qui est plus anodin, tout ce qui est plus inutile. Les canards bougent pas tant que ça, mais on les a habillés des costumes d'époque de la bande à Picsou. Il porte des petites Lulu, un petit chapeau melon, une casquette, comme les enfants Riri, Fifi et Loulou, bien sûr. Ils sont là, ils font juste bouger à peine la tête. Inutile, complètement. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de vidéos, étant donné que mes fenêtres sont toutes pas placées pour ça? Il y avait... Ah oui, il faut absolument que je fasse entendre ça. C'est des versions comptines de chansons de jeux vidéo. Lullaby. Ici, si je peux trouver le lien, voilà. Donc, on va entendre des versions comptines, si on veut, de chansons connues de jeux vidéo. Évidemment, la liste est super longue. Il y a Mario Bros 2, Metroid, Mega Man. On va entendre le Metroid Lullaby, tu sais. C'est disponible sur iTunes pour 8$ environ. Vous pouvez payer ce que vous voulez sur Louder. Ou aussi l'écouter sur Spotify. Vous pourriez l'écouter si j'arrêtais de parler par-dessus aussi. C'est un album de 8 pièces qui s'appelle 8-Bit Baby, version instrumentale comptine, des chansons thèmes de Contra, Super Mario 2, Metroid, plusieurs autres. Ils ont une page Facebook. Ça a été créé comme cadeau pour un baby shower de la part d'un oncle à son neveu. C'est l'album des frères Mark et Dan Polydors. Et ça va bien sûr vous aider à dormir peut-être ce soir. Retrouvez le lien sur assemblagerequis.com. Et il y en a d'autres vidéos que je vais vous épargner sur assemblagerequis.com, mais ils sont quand même très très bons. Allez les voir. Nous, malheureusement, ça va devoir être la fin sur cette chanson très très calme et presque endormante au Mathieu Plante Show. On va se retrouver la semaine prochaine. On est toujours en direct les mardis entre 13h et 15h. Nouvelle case horaire pour la rediffusion. En passant, on est jeudi entre 16h et 18h. Voilà. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis du lundi au jeudi entre 6h30 et 9h30 et au Palmarès C'est Fou les mercredis à 14h. Consultez la programmation sur cfou.ca. Retrouvez les notes de l'émission et les balados de diffusion sur assemblagerequis.com. Vous pouvez aussi aimer la page Facebook qui est facebook.com/Mathieu Plante Show. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante et vous avez été planté. Bye!